du week-end. L'information de 9h01, Caterpillar Gosselies ferme. Bon week-end malgré tout et à lundi. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec Yasmina Favreau. Bonjour Yasmina. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ça devait être un week-end de fête dans la région de Charleroi. La ville fête ses 350 ans, mais la fête est ternie. 2200 emplois perdus à Gosselies. L'usine Caterpillar qui fabrique des engins de chantier va fermer ses portes. Avant l'annonce de cette réunion extraordinaire, ils ne s'y attendaient pas du tout, les travailleurs. Une fermeture qui aura aussi des répercussions pour les sous-traitants. C'est déjà le cas pour l'entreprise Cedival qui emploie quelques 70 personnes. Caterpillar à Gosselies, eh bien, c'était une entreprise qui était en place depuis 1965, qui avait déjà subi des restructurations, notamment il y a 3 ans. 1400 emplois avaient été supprimés à l'époque. Aujourd'hui, le groupe Caterpillar a donc annoncé qu'il envisageait de déplacer les activités du site de Gosselies à Grenoble, en France, et dans d'autres usines hors Europe. Caterpillar restructure donc sur le plan mondial. Mais pourquoi sacrifier Gosselies? Alors le site a déjà dû donc faire énormément d'efforts il y a 3 ans, vous l'a dit. Thierry Botson, le secrétaire général de la FGTB Wallonne, lui, ne comprend pas. Je ne me l'explique pas, tout simplement, parce que lors de la restructuration il y a 3 ans, c'était déjà quand même une restructuration très lourde, à concurrence de 1300 emplois perdus, et qui devait, en principe, justement, c'était une sorte de garantie qui avait été donnée, assurer la pérennité de l'activité à Gosselies avec les 2200 emplois. Donc c'est un véritable coup de poignard, évidemment. Avec des efforts qui avaient été aussi demandés au personnel qui restait. Il y a des efforts qui avaient été demandés au personnel, des efforts assez importants. La restructuration ne s'était pas passée sans heurts, mais avait quand même été mise en place avec la négociation, dans le cadre d'une négociation avec les délégations syndicales. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que la parole donnée par rapport au plan industriel est une parole qui n'a tenu que 3 ans. Et donc ce matin, le coup de massue pour les travailleurs et la région, le site a d'ailleurs été bloqué par les travailleurs pendant quelques heures par des bulldozers. Aussi également beaucoup de réactions politiques depuis. Un choc pour Olivier Chastel, le président du MR, qui appelle à un front uni. Écolo dénonce une logique de profit aveugle. C'est une catastrophe sociale inacceptable pour le CDH. Et puis pour Paul Magnette, le président de la région Wallonne et bourgmestre en titre de Charleroi, il se dit scandalisé et atterré. D'autant plus que le site avait donc était fort soutenu par les pouvoirs publics. Il convoque notamment la direction aujourd'hui à Namur. Il va aussi recevoir les syndicats. Et il espère aussi une réunion avec Charles Michel, le Premier ministre, et Chris Peters, le ministre de l'économie. Ça se passera également à Namur. L'objectif, c'est examiner les possibilités de reclassement des travailleurs et de l'avenir du site. Alors forcément, cette annonce de fermeture à Gosselies, donc pour cette usine Caterpillar, c'est un choc pour la Wallonie, pour la Belgique. Et donc, nous serons en émission spéciale tout à l'heure, à 13h. Voilà donc pour le flash de 11h. On termine par la météo. Le ciel sera partagé aujourd'hui entre éclaircies et nuages, avec quelques averses par endroit en soirée. Pour les températures, seront comprises entre 19 et 25 degrés. Et on part tout de suite sur les routes faire le point sur vos conditions de circulation. Avec un accident sur le 42 Liège-Namur, c'est à hauteur de Villers-le-Bouillet. La voie de droite est neutralisée vers Namur. Et des ralentissements engendrés par un chantier sur le 411 Namur-Arlon. C'est à hauteur de l'église en direction d'Arlon. Des files sur 5 km et un retard estimé de 15 minutes. Le 411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons, c'est parti sur Vivacité. Toujours avec Sébastien Nolvaux et l'équipe. Merci Yasmine, à retour de l'info à midi. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Comment que ça va bien? C'est vendredi, il fait beau, alors c'est super. L'approche du week-end. Voilà, youpi, tralala, boum. On va vous parler de plein de choses aujourd'hui pendant 2 heures. Notamment, on va vous parler de support de lecture. Sur quel support lisez-vous? Papier, tablette, liseuse? On fera un petit peu le point sur le marché des liseuses, justement, parce qu'il y en a beaucoup de... Vous avez déjà utilisé ça, Jacques ? Non. Moi, je suis encore old school. Le bon vieux livre, c'est parfait. Ouais. Ben Jacques, justement, vous allez nous parler de garde d'enfants et d'offres sur Internet pour trouver des babysitters. Oui, on va parler notamment d'un site qui se targue de répertorier pas moins de 45 000 nounous et babysitters en Belgique. Beaucoup, ça. C'est énorme. On irait faire un tour aussi du côté de la Ligue des Familles pour voir ce qu'on en pense. On parlera d'une nouvelle pâte de fruits pour le goûter de vos enfants. On le testera aussi, ça s'appelle Beer. Pas comme une bière, comme un ours. Oui. Et on vous pose une question sur la page Facebook aujourd'hui, Sophie. Alors justement, cette semaine de la rentrée, on se demande comment vous gérez les différents emplois du temps avec vos enfants. Est-ce que vous faites appel à une babysitter? Où et comment vous la trouvez? Donnez-nous vos bons plans sur notre page Facebook On n'est pas des pigeons, par SMS au 30 63 50 centimes le message, ou encore sur notre répondeur 070 222 660 et enfin sur notre boîte mail à pigeon@rtbf.be. Grosso modo, ça c'est le programme, à ça vous rajoutez un petit peu de musique. Ma jolie fiancée va se retrouver seule. Musique signée Gérald de Palmas, notamment avec le jour de nos fiançailles, et puis il y aura aussi Henri PFR. Et le titre Home. Vous écoutez Vivacité, c'est On n'est pas des pigeons jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. Une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous. S'il est tard, j'ai jamais rien demandé. Ça, c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent. Instant de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser. Un baiser. Encore un soir. Encore une heure. dans sur Vivacité. Encore un soir. Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Hier, l'emmerdeur nous emmenait au cinéma. C'est toujours sympa comme surnom pour un collègue, l'emmerdeur. Ça lui va bien. Il l'assume, ça lui va bien. Mais c'est toujours sympa aussi, une petite sortie au cinéma. Le problème, c'est que ça coûte cher. Du coup, il nous proposait d'emmener nos propres consommations. En effet, Esri Monti, elle est tout à fait d'accord. Elle triche d'ailleurs depuis longtemps, autant que l'emmerdeur. Alors elle nous dit « Moi, j'achète le pop-corn au ciné, mais je prends mes propres boissons. Entre 2 et 2,50, la petite bouteille, faut pas abuser quand même. » Même chose pour Laetitia. « Je cache mes consommations dans un sac. » L'astuce testée à maintes reprises. Et elle fonctionne à chaque fois sans aucun souci. Et puis enfin, Priva, par contre, est plus raisonnable. C'est tellement agréable d'aller voir un bon film, mais pas avec un voisin qui mange un burger qu'il a planqué au fond de son sac. Ça, quand même, j'ai jamais osé. Ah non, c'est non. Impoli. Non, mais c'est vrai que ça coûte super cher. On a fait le calcul hier en télé avec le même sac de bonbons acheté au cinéma ou dans les commerces aux alentours. C'est du simple double. Ouais, au ouais. niveau du prix au kilo, c'est du simple double. Donc, on c'est vrai qu'on pointait du doigt le fait que ces cinémas vous interdisent de rentrer avec de la nourriture ou des boissons. Maintenant, on vous a dit d'aller au cinéma avec des grandes poches aussi. Hein. Après, il faut y rien. Voilà. Moi, je vais toujours avec ma bouteille. Hier, Sybille comparait les cocktails industriels aux cocktails faits maison. Vous avez été nombreux aussi à donner votre avis sur la page Facebook. En effet, un battle sur lequel vous vous êtes tous mis d'accord, c'est le cocktail fait maison, évidemment, qui l'emporte haut la main. Dominique, on goûte la différence entre du fait maison et du tout fait. Il n'y a pas photo. Maxime, allez dans un bar. Les cocktails des supermarchés sont horribles. Bernard, le meilleur se boit chez moi. Eric, le meilleur cocktail se boit dans un bon bar. Dites-le, c'est marrant, c'est ça, à la maison ou au bar. Mais en tout tout cas, le monde nous envoie au même endroit. Hein. Par contre, Jean-Philippe, lui, ouais. Attention, c'est ma femme qui gagne haut la main la bataille du Mojito. Ah bon? Bon, il faut qu'elle nous invite. Hein. On est d'accord. Et puis Daniel, elle propose un chouette concept. Vous devriez organiser un concours entre les spectateurs. Pourquoi pas? Et enfin, on termine par Claire. Je veux bien venir vous faire des mojitos et autres. Alors moi, je dis Claire, c'est quand vous voulez. 52 Boulevard Hyères, 1044 Bruxelles, c'est l'adresse de la RTBF. Le bureau des pigeons, vous le trouverez facilement. Et puis, on parlait de se colorer les cheveux hier aussi en télé, couleur pastel. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Oui, bon, Wendy, je voulais le faire, mais ma coiffeuse me l'a déconseillé. Ça ne tient pas longtemps, il faut donc retourner tous les 15 jours chez la coiffeuse. Bref, un sacré budget. Reste l'option de la perruque colorée pour les occasions. Alors, Jocelyne, elle nous dit rien de tel que la couleur naturelle, et ça, pour le coup, je suis d'accord. Et enfin, Emmanuel, c'est joli, mais perso, je me vois mal avec des cheveux couleur pastel, étant donné que je travaille dans une banque. Oui, bah en même temps. Puis Marie, elle a osé, par contre. J'ai tenté le rose flash, tout de même. Et je ne changerai pas de sitôt. C'est particulier, au moins on la reconnaît dans la rue. Continuez à réagir sur la page Facebook sur laquelle on vous pose une question concernant le babysitting. Comment trouvez-vous vos babysitters? Est-ce que vous les trouvez facilement? Donnez-nous vos bons plans. On rappelle aussi, Sophie, encore une fois, les autres moyens de joindre la rédaction. Oui, vous pouvez tout simplement nous envoyer les bons plans par SMS, 50 centimes le message, au 3063, ou encore par email sur pigeon@rtbf.be. Plongez dans les années 80 avec Alan Parsons Project juste après la pause. Et puis, nous nous intéresserons à la rentrée littéraire et on verra s'il est plus sympa de lire un bon bouquin ou d'acheter ça sur une liseuse. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions, alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Avec le soutien des Lions, Trends Tendance et l'avenir.net. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Ah oui, déchaînez-vous. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvois, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson.

Carlo nous a rejoint sur ce grand morceau des années 80, Alan Parsons Project, Eye in the Sky, ça te rappelle des trucs? Oui, ça me rappelle beaucoup de choses, Alan Parsons Project. Genre, un genre quelques beaux slow skate braguettes. Elle s'appelait comment? Non, elle s'appelait toute seule. Allez, dites, on passe à la suite. On n'est pas des pigeons. Bon, beaucoup plus sérieusement, les amis, c'est la rentrée littéraire. L'occasion de se pencher sur le petit poussé du marché du livre. C'est le livre numérique. Bernadette Goffinet s'était un petit peu penchée là-dessus, pas trop, pour ne pas écraser non plus la tablette, hein, oui, parce que c'est fragile, ces choses-là, pour ne pas la casser. Comment évolue, d'abord, Bernadette, comment il évolue le livre chez nous? Globalement, le marché du livre se porte plutôt bien, hein, en fait, il est en croissance. Mais il y a toujours une vraie préférence pour le bon bouquin papier par rapport au numérique. Pourtant, on va quand même dire que le livre numérique grappille tout doucement des parts de marché. C'est pas énorme, hein, on est de l'ordre de 1% par an, donc on est autour de 9% en 2015 pour 8% l'année d'avant, donc en 2014. Donc voilà, c'est un vrai marché de niche avec des lecteurs inconditionnels. Je pense par exemple à notre consoeur de la première, Myriam Leroy, qui est chroniqueuse littéraire. Elle, tous ses bouquins se trouvent sur une liseuse numérique. Elle ne lit que en numérique. Elle prend sa tablette, elle a ses 10 000 bouquins avec elle et elle se balade, elle voyage, elle transporte sa petite tablette. C'est assez intéressant pour elle. Et elle... On va faire un rapide sondage autour de la table. C'est vrai que ces livres numériques existent déjà depuis un petit temps. Carlo, bouquin ou livre numérique? Non, je lis encore que du papier et même j'ai du mal à utiliser ma tablette même pour regarder les magazines. J'achète encore des magazines. Jacques? Moi aussi, le bon vieux papier, ah, rien à faire. Oui. Pour aussi avoir l'objet, le livre et pouvoir tourner les pages. Bouquin, livre numérique? Bouquin, évidemment, et traditionnel. Puis tu peux, oui, corner la page, tu mets une tranche de jambon dedans pour savoir où tu... Voilà, moi j'aime bien de corner les pages. Ouais, c'est ça. Ça se fait pas, mais j'aime bien. Et pourquoi ça ne parvient pas vraiment à décoller, ce livre numérique, Bernadette? J'ai interrogé un éditeur belge de les éditions On Lit à Bruxelles, et lui, il a expliqué qu'en fait, au début, il s'était lancé dans le numérique, exclusivement dans le numérique, et puis ça n'a pas fonctionné, donc pas suffisamment en tout cas pour que ça soit rentable, donc il a dû se lancer dans le papier. Donc lui, il explique que c'est toujours le goût pour le papier qui fait que on a du mal à changer un petit peu nos habitudes, à se lancer dans le numérique. C'est pas le même objet. C'est un peu contraignant parce que il faut télécharger télécharger les livres, etc. Online. Donc on n'a pas encore cette démarche là parce qu'on est tellement habitué depuis l'école à avoir un livre en main. Que peut-être que les petits jeunes écoliers qui rentrent aujourd'hui vont peut-être avoir le réflexe plus tard de télécharger leurs livres, mais ce n'est pas encore entré dans les mœurs, et donc c'est un peu compliqué pour les éditeurs de rentabiliser aujourd'hui. Mais ça a quand même plein d'avantages, ces petites liseuses. Ah mais ouais, c'est ça, quand on ouvre la liseuse, déjà moi qui suis, excusez du peu, presbyte, donc j'ai un petit peu de mal à lire avec sans lunettes, mais une fois que j'ai une liseuse en main, j'ai découvert qu'on pouvait agrandir la police, donc ça veut dire que le caractère, je peux agrandir le caractère, je n'ai plus besoin de lunettes, donc déjà en ça, c'est déjà formidable. Quand je lis au soleil, je n'ai pas besoin de mettre des lunettes solaires, etc. Ça fait pas de reflet, c'est pas comme les tablettes. Non, c'est pas comme les tablettes ni les smartphones. Donc il faut éclairer. La liseuse a un éclairage un petit peu particulier. Ah. C'est que c'est pas l'éclairage LED comme sur les tablettes, c'est un éclairage naturel. Donc ça veut dire qu'on peut l'augmenter, le diminuer, le mettre en page naturelle comme un livre. Et le soir, par exemple, lire sur sa liseuse sans lampe de chevet. Ça, d'accord, c'est possible aussi. On peut... Il y a quand même... Comme ça, tu réveilles pas l'autre à côté qui ronfle. Exactement. Ça, c'est cool. Ça coûte combien, une liseuse? Alors, on est autour de 49, autour de 49 pour la liseuse de base. Mais si on prend des liseuses un petit peu perfectionnées, on est entre 99 et 149 euros. Par exemple, à la Fnac pour la Kobo, les plus vendues en tout cas. Voilà, ouais, ça existe plus cher aussi, mais voilà. Mais ça peut vite revenir cher parce que, je sais pas, moi, tu es en train de bouquiner, il y a un moustique et tu as un bête réflexe. Tu tapes avec ton bouquin, sauf paf, là tu pètes la liseuse. Donc il faut en racheter une. Un livre à télécharger, ça coûte... on verra dans le reportage ce soir, hein. C'est peut-être le petit bémol aussi, c'est qu'un bouquin papier c'est 20 euros, un bouquin électronique on va le payer 15 euros, alors qu'on ne voit pas vraiment l'intérêt de payer si cher. Pour, on peut en stocker beaucoup des bouquins sur une liseuse. Ah ouais, on peut aller jusqu'à 10 000 bouquins. Ah ouais, quand 10 000 même, livres, hein. quand même, ça fait beaucoup. On reparle de ce marché de la liseuse ce soir en télé à partir de 18h30. Merci Bernadette. Tu as réussi ta sixième technique ou professionnelle? Tu veux devenir infirmier hospitalier? Alors viens avec nous à l'ECNA Sainte-Élisabeth, une école dynamique et réputée, derrière la clinique Sainte-Élisabeth de Namur. Dès la première année, tu auras 12 semaines de stage. Après une formation en 3 ans et demi, tu obtiendras ton brevet d'infirmier qui te permettra de trouver rapidement du travail. Ça te tente? Tu trouveras bien plus d'infos sur ecnas.be, ECNAS.be. ECNAS 081 72 34 80. En télé sur la Une. Je m'appelais Emma Fortuny. J'avais 20 ans lorsque toute ma famille a été tuée. Moi-même, je suis officiellement morte. Mais je suis revenue 10 ans après. Pour me battre. Elle se met au service de ceux qu'elle traque. Votre nouvelle série, La Vengeance aux yeux clairs, ce dimanche soir sur la Une. Ce week-end, Vivacité fête les 350 ans de la ville de Charleroi. Samedi, de 17h à 23h, Alain Simons, Olivier Gillin et Jean-Marc Dessert vous feront vivre en direct les festivités liées à cet anniversaire. Folklore, spectacle, concert. 350 ans, ça se fête. Bon anniversaire les Carolos. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. C'est la rentrée, mais on est encore de sortie. Nous vous attendons samedi au pied des éoliennes de Perouet, dans le Brabant Wallon. Nous aurons toute la place pour pédaler entre le domaine viticole de Melmont, le prieuré de Malève-Sainte-Marie-Ouestine et Torrembel-et-Béguines. À l'arrivée, juste avant l'apérobique, le grand retour des Charlots. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Oh, Henri PFR avec le titre Home et nous, on part sur les routes tout de suite sans perdre un instant. Caroline Gillet, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe plutôt bien, mais ça dépend où on se trouve, puisqu'on a un accident sur la Nationale 3 Aix-la-Chapelle Louvain à hauteur de Fléron. La chaussée est fermée dans les deux sens de circulation. Une déviation locale a été mise en place. Ralentissement dans le chantier de l'E411 Namur-Arlon à hauteur de l'église en direction d'Arlon. Il y a des files sur 7 km et un retard estimé de 30 minutes. Accident aussi, il implique plusieurs camions. C'est sur l'E403 Tournée-Bruges à hauteur de Moucron. Chaussée fermée. Là aussi, il y a des files sur 1,5 km en direction de Bruges. Et là aussi, des déviations ont été mises en place. La circulation se fait via la chaussée latérale. Et puis, des ralentissements pour accéder au territoire français sur le 17 Gand-Lille. Des files sur 4,5 km. Et là, c'est 35 minutes que vous perdez vers la France. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. h 30, place au journal de la conso. Sophie, cette semaine de rentrée, avez-vous bien choisi vos études? Trouvez-vous un job facilement une fois diplômé? Cette question, c'est les journaux Sud Presse qui la posent. Ils dévoilent la liste des diplômes qui permettent de trouver un emploi plus rapidement. En effet, le Forum vient de réaliser une nouvelle analyse sur le sujet. L'étude se penche sur le pourcentage de jeunes âgés entre 18 et 24 ans qui décrochent un emploi dans les 6 mois qui suivent la fin de leurs études. Alors, résultat, dans le secondaire professionnel, les diplômes de mécanicien, boucher, infirmier ou enseignant figurent parmi ceux qui permettent de trouver le plus rapidement un emploi en Wallonie. Ils sont quand même entre 75 et 85% à pouvoir trouver un job dans les 6 mois qui suivent. C'est quand même pas mal. Hein. Donc vous savez que choisir pour la suite. Dans l'enseignement supérieur, les diplômes d'enseignant, comme on l'a dit, permettent d'accéder rapidement à un emploi, mais c'est surtout parce qu'il y a une pénurie, donc notamment pour les professeurs de langue et puis aussi au niveau du métier de pharmacien. D'accord. Dans le soir, on parle à nouveau de l'ouverture des commerces de la rue Neuve le dimanche. C'est une saga qui n'en finit pas. On en parlait hier. On avait un avis, voilà la suite. Oui, mais cette fois, plus besoin de se poser la question, c'est désormais officiel. Donc, l'échevine du commerce de la ville de Bruxelles, Marion Le Maire, a mis un terme aux spéculations. Oui, le shopping dominical est bien maintenu. À certains commerçants n'y participent cependant plus, mais oui, les magasins vous ouvriront leurs portes le dimanche. Selon l'échevine, cette ouverture permet de rattraper les mauvais jours de la semaine et puis aussi d'attirer une clientèle nouvelle, mais aussi de nouvelles enseignes. À noter que cette ouverture dominicale aura lieu chaque premier dimanche du mois. Voilà, à noter dans les tablettes. Carlo est ravi ce dimanche, il ne savait pas quoi foutre. Eh bien, j'adore, j'aime tellement de faire du shopping. Mais si, allez, tu vas te balader dans le centre de Bruxelles et puis tu t'arrêtes dans tous ces bons restos qui fleurissent partout. Tu demandes un durum salade tout. Et bon resto, je vais plutôt boire une bière artisanale au Moudeur. Ah, c'est pas mal. Dans la presse aujourd'hui également, des chercheurs ont créé un nouveau textile qui permet de rester au frais. Oui, on a eu chaud cet été, pas toutes les semaines, mais quand le soleil était de retour, il n'était pas à moitié. Alors, l'Airco, c'était la solution, mais peut-être pas la meilleure. Et on apprend aujourd'hui que des chercheurs américains ont créé un textile bon marché à base de matière plastique. Il permet de mieux résister à la chaleur. Ils ont fait part de cette découverte dans la revue américaine Science. Elle devrait permettre aux personnes qui vivent dans les pays chauds de rester plus au frais, sans air climatisé. Et donc, selon les scientifiques, le corps peut tout de même se rafraîchir de 2 degrés de plus que s'il portait un vêtement de coton. Et donc, pour tester la capacité donc à rafraîchir ce tissu, ben, tout simplement, les chercheurs ont pris un bout de tissu et un bout de coton du linge de coton. Ils les ont placés sur une même superficie et donc ils ont observé que la quantité de chaleur absorbée donc, était différente par la peau, selon les échantillons. C'est quand même assez dingue, un t-shirt qui refroidit. Il faut le t-shirt qui refroidit. Il faut le tester. Pourquoi? Mais oui, on va le commander dès qu'il arrive. Un chaud lapin à la rédaction. On va bien trouver un chaud lapin. Oui, parce qu'on n'a pas les budgets pour aller dans les pays chauds, mais on trouvera bien un chaud lapin à la rédaction. Ne regardez pas. Et on se débrouillera comme ça. L'Espagnola, c'est Jali qui arrive. Et puis, Jacques, on parle de quoi dans quelques instants? On va parler babysitting. Avec un site? Avec un site qui répertorie pas moins de 45 000 nounous et babysitters en Belgique. J'ai envie de dire youpi. Oh, oui. Ça tombe bien, c'est le nom du site. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvois, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc, et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Vivacité présente Valériane, le grand salon bio de la rentrée. Rendez-vous à Namur Expo les 2, 3 et 4 septembre. Plus de 300 exposants bio et aussi 60 conférences et ateliers. Info valériane.be. Une organisation de Nature et Progrès avec le soutien de Canal C, l'avenir.net et la Wallonie. Là, je cours pour ma forme. Un chouette programme organisé par ma commune pour tous ceux qui, comme moi, n'ont jamais couru. On se réunit chaque semaine avec un animateur. Après 3 mois, on est capable de courir 5 km et même plus. Renseignez-vous vite auprès de votre commune ou sur le site jecourspourmaforme.com. Une initiative du magazine Zatopec avec le soutien de Vivacité. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ce n'est pas grave, la petite minute de la blague idiote. Comment est-ce qu'on appelle un lapin sourd ? Lapin ! Ah oui, il est sourd. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 2 250 000 euros à gagner. Bon, ça ne vaut pas mes blagues idiotes, hein, mais enfin, c'est quand même une belle somme. Merci, loto. Comment bien manger ? Quand une partie de votre budget est déjà passée dans la rentrée des classes. En profitant de la promo Deleuze sur les blancs de poulet, les enfants en raffolent. Jusqu'à mercredi chez Deleuze, à l'achat d'un ravier de 900 grammes, le second est gratuit. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Retrouvez tous vos artistes préférés en live. De 18h à 20h, Vivacité est en concert. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott. Steve Barrow. Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec Vivacité. Monsieur, je suis né comme ça. J'ai cru au faux départ, mais les autres couraient plus vite que moi. Semé dès la naissance, j'ai voulu crier au scandale. Inégalité des chances, moi qui courais en sandales. Décidé à ruser, j'ai changé de trajectoire. J'enjambais l'océan par le détroit de Gibraltar. Fais gaffe en traversant, j'ai croisé pas mal de renards. Échoué sur les plages, bien perdu dans le brouillard. Si j'avais un bateau, je partirais en solitaire et sans escale. Si j'avais un bateau, je laisserais ma boussole à terre pour suivre mon étoile. Capitaine d'un bateau, je trouve que ça me va. Le vent dans les voiles comme un oiseau, je l'appellerai l'Espagnola. Eh, eh, je l'appellerai l'Espagnola. Petit le soir, je rêvais d'aventure. J'attendais qu'il fasse noir pour sortir et faire le mur. Les autres assis m'éprendre ont cru que je fuyais la maison. Sans ne jamais vouloir comprendre que je courais vers l'horizon. Mon père sur le qui-vive me rattrapait au coin de la rue. Où vivait cet homme qui ivre de sa vie était déçu. J'échangerais ma vie à moi, confortable et sans lacune. Contre un bateau gonflable ou une barque de fortune. J'avais un bateau, je partirais en solitaire et sans escale. Si j'avais un bateau, je laisserais ma boussole à terre pour suivre mon étoile. Capitaine d'un bateau, je trouve que ça me va. Le vent dans les voiles comme un oiseau, je l'appellerai l'Espagnola. Eh, eh, je l'appellerai l'Espagnola. J'ai tenté la fuite par les chemins de traverse. Resté bloqué au péage parce qu'il me manquait quelques pièces. Je me suis fabriqué des ailes pour voler sous les radars. Mais ma technique était cramée par un grec nommé Icare. Après mûre réflexion, tout ce qu'il me reste à faire, c'est m'habituer aux poissons et puis prendre la mer. Avec un peu de chance, j'arriverai à bon port avant que mon bateau prenne l'eau et qu'il ne va que l'enfant. Si j'avais un bateau, je partirais en solitaire et sans escale. Si j'avais un bateau, je laisserais ma boussole à terre pour suivre mon étoile. Appelez-moi capitaine Jali, je trouve que ça me va. Le vent de les voiles comme un oiseau, je l'appellerai l'Espagnola. Hey, hey, je l'appellerai l'Espagnola. Jali sur Vivacité avec l'Espagnola. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Il y a deux jours à la rédaction d'On n'est pas des pigeons, on a reçu un communiqué de presse du site internet youpies.com. Qui connaît ce site? Youpies? Oui, d'où Youpies.com. Personne connaît. Non. Jacques, c'est quoi le site Youpies? Eh bien, Sébastien, c'est un site qui existe depuis 4 ans et qui se targue de répertorier 45 000 nounous et babysitters en Belgique. Pour les parents qui cherchent à faire garder leurs enfants pour un moment ponctuel, une soirée, une après-midi de manière classique, ou bien pour une organisation plus systématique, par exemple de la sortie de l'école jusqu'à la fin de la journée. Et comment ça marche? Eh bien, c'est simple. Vous sentez une âme de babysitter, vous vous inscrivez sur le site, vous créez un profil, prénom, photo si vous voulez, âge, motivation, disponibilité horaire, localisation géographique, etc. Alors, exemple, Julie, 20 ans, 3 ans d'expérience, propose de garder vos enfants tous les soirs de la semaine, tarif 9 euros de l'heure. Si vous, parents, ce profil vous intéresse, vous prenez contact avec Julie et l'affaire est faite. Mais alors, n'importe qui peut proposer ses services alors? Exactement. Alors, comment savoir à qui on a affaire exactement quand on prend rendez-vous avec une babysitter sur ce site? J'ai contacté le porte-parole du site pour poser la question. Il m'a répondu que les profils étaient vérifiés par leurs soins. Puis quand j'ai demandé comment ils faisaient pour vérifier les identités et compétences de 45 000 babysitters potentiels, il m'a dit qu'il ne pouvait contrôler que ceux qui le demandaient, donc qu'il ne pouvait rendre ces contrôles obligatoires et que donc la moitié environ des candidats babysitters faisaient l'objet de vérifications par rapport à l'identité annoncée sur le site ou d'éventuels diplômes ou certificats mis en avant. Et comment sont fixés les prix? Alors ce sont les candidats au babysitting qui fixent leur prix, ils fixent le prix qu'ils veulent et dans les annonces que j'ai vues, ça va de 6 à 10 euros de l'heure, le tarif moyen est de 8,38 euros de l'heure. On a en ligne avec nous Damien Kremer, bonjour. Bonjour. Travaillez à la Ligue des Familles, qui propose aussi, on le sait, des services de babysitting. Est-ce que selon vous, on peut se fier à ce type de site internet? On peut s'y fier si on part de recommandations, on peut éventuellement passer par ce service. Maintenant, c'est vrai que du côté de la Ligue des Familles, on essaie d'avoir un service qui va beaucoup plus loin, qui permet d'être un intermédiaire entre les parents et les babysitters, mais aussi de garantir une qualité de travail via des formations de tout le personnel. Ce qui signifie que tous les babysitters qui travaillent pour la Ligue des Familles sont passés par un entretien. Ils ont eu une formation accueil de 3h30 et s'ils ont moins de 17 ans, ils ont eu en plus une formation de 3 jours. Ah ouais, donc là, il y a vraiment un sérieux là derrière. On peut vraiment faire confiance. Est-ce qu'il y a une réglementation précise qui organise cette activité de babysitting? Du côté de la Ligue des Familles, donc c'est sûrement la Ligue des Familles qui organise, qui met en relation les parents affiliés à la Ligue des Familles avec des babysitters. C'est ça. Alors, quels tarifs sont pratiqués à la Ligue des Familles? Alors, la Ligue des Familles recommande un tarif de 6 euros de l'heure. Qui peut monter jusqu'à 7,50 euros maximum. Donc on a en tout cas la garantie de ne pas payer plus que 7,50 euros de l'heure. Et systématiquement, tous les babysitters suivent une formation? Oui, donc il y a de toute façon un entretien par téléphone qui est assez long, puis une formation accueil de 3h30. L'idée, c'est de voir un peu la motivation du babysitter, de discuter de cas pratiques, d'exemples, faire des petits tests. Et puis, comme je l'ai dit, une formation de 3 jours complémentaire pour ceux de moins de 17 ans ou ceux qui ont peu d'expérience. Et on a aussi développé 2 modules spécifiques, l'un pour l'accueil, la garde d'enfants handicapés et l'autre pour les nourrissons. Est-ce qu'il y a une limite à la pratique de l'activité? Il y a un nombre d'heures limite? Comment ça se passe? D'un point de vue légal, on doit se limiter à un certain nombre d'heures, sans quoi on entre du travail au noir. C'est une pratique qui est encadrée, pour laquelle, de notre côté, on peut contrôler le nombre d'heures qui sont prestées dans le cadre de la Ligue des Familles. C'est ça, et cette activité de babysitting ne peut pas concerner d'autres activités, en fait, comme du travail ménager. On ne peut pas demander au babysitter ou à la babysitter de faire d'autres tâches ménagères. Non, bien sûr. Dans le cadre du babysitting de la Ligue des Familles, on est vraiment dans du babysitting. On n'est pas non plus dans des cas de gardienne encadrée, de nounou, qui concernent du travail beaucoup plus régulier qui peut se faire en journée, par exemple. Dernière question, il faut être membre de la Ligue des Familles pour faire appel au service de babysitting de la Ligue des Familles? Oui,

faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Serre-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir. Je veux marquer le coup. Je veux m'en souvenir. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Gérald de Palmas sur Vivacité avec le jour de nos fiançailles. C'est délicieux, délicieux. Que c'est bon. Voilà. Oui, aïe, aïe. Description de ce que nous avons devant nous, une forme de petit lacet au goût de fruits. Ça colle, ça sent pas mauvais. Globalement, c'est une nouvelle collation qui débarque sur le marché. On en parle avec Wouter van Dijk, bonjour. Bonjour. Travaillez chez Lotus. Cette collation, ça vient d'Angleterre. C'est une pâte de fruits développée en Angleterre, repris et commercialisé chez nous par votre entreprise. Lotus, quelle est la particularité ? C'est une simple pâte de fruits ou il y a un truc en plus ? Il y a beaucoup en plus. En fait, ce sont des encas qui sont à 100% des fruits et légumes. Aussi important à noter qu'il n'y a pas des sucres, ni de sel, ni d'autres trucs qui sont ajoutés. Mm-hmm. Ils sont aussi produits d'une manière spécifique. Donc, une fois qu'on a cueilli les fruits et légumes, on les presse ensemble, on mélange très légèrement pour que tout ce qui est bien dans les fruits reste dedans. Et après, ils sont cuits dans un four traditionnel à température basse, donc de 42 degrés. Et aussi ça va garder tous les vitamines, tous les fibres dans le fruit. Et comme dernière étape, on enroule et on coupe les fruits à la main. Comme ça, vous avez des petits rouleaux de fruits, les yo-yo, comme on les appelle. Moi, je viens de goûter à la mangue. Sophie, t'as quoi ? Framboise. Framboise. Carlo, il est avec la fraise, je crois, ou la pomme. La pomme. Il y a plusieurs goûts. Bon, je disais, ça colle un peu au doigt, mais ce n'est pas de fruits. Mais ce n'est pas mauvais. Il y a quatre goûts, donc la fraise, mangue, les pommes et la framboise. J'ai une question sur les fibres. Parce qu'en fait, si on part du produit fini, c'est-à-dire du produit qui a subi une évaporation, je vois qu'à la fin, il reste sur 100 grammes 8 grammes de fibres. Donc vous faites un jus dans lequel vous enlevez quand même une partie des fibres. Sinon, il y aurait beaucoup plus de fibres à la fin. Mais ce n'est pas vraiment un jus, donc c'est juste les fruits, ça reste 100%, ils sont légèrement pressés, et toutes les fibres restent... Vous n'enlevez rien ? Non, on n'en sauf de l'eau. Rien, et sauf l'eau, c'est vaporisé, et on n'ajoute rien non plus. Mm. Donc c'est vraiment tout ce qui est dedans, les sucres, les fibres, voilà. Sont 100% naturels et fruits. Bon, ok pour les fibres, mais c'est la seule chose auquel il faut faire attention, on le dit à chaque fois ici autour de cette table, c'est qu'on se retrouve avec un encas qui monte sur 100 grammes, on est à 63 grammes de sucre, qui sont des sucres naturels, qui sont contenus dans un encas relativement sucré, donc il faut le compenser par éventuellement d'autres produits sur la journée. Mais pourquoi faire une pâte de fruits comme ça ? Enfin, si je vous entends, si tout est naturel, pourquoi pas manger une pomme directement, ou une mangue, ou une fraise ? Enfin, on gagnerait du temps. Pas tous les enfants, parce que c'est vraiment axé sur les enfants, n'aiment pas toujours manger des fruits frais. Mm-hmm. Donc c'est aussi une alternative pour quand même avoir les vitamines, les fibres et aussi avec les fibres, il y a aussi une sensation de satiété plus longue vis-à-vis des autres biscuits ou bonbons, ce qui est aussi très important. Et on sait aussi avec les cartes d'épargne qu'on a dans chaque packaging, faire un peu un plaisir avec les enfants, c'est qu'ils mangent les fruits, mais aussi d'une manière... Oui, il y a une sorte de petit jeu qui va avec. Mais c'est une manière de dire aux enfants, manger des fruits, quelque part de réhabiliter peut-être un peu le fruit, parce qu'on n'en mange pas assez, à partir du moment où on retrouve toutes les propriétés du fruit. Ça coûte combien, cette histoire ? Il y a, dans un paquet, il y a 5 sachets de 2 rouleaux, ouais. Et ça coûte 3,29€. Sont pour l'instant déjà disponibles chez Carrefour, une centaine de magasins. Mm-hmm. Ça va encore augmenter les semaines et mois qui viennent. Et aussi, on est en train aussi de discuter avec les autres supermarchés pour aussi avoir la disponibilité des de produits Ber, donc les yo-yos de Ber. Ouais. Encore une question, magasin. Carlo ? Non, je voulais juste dire qu'on n'oublie pas que les fruits secs, ça existe. Ça existe aussi, c'est un peu le même. Effectivement. C'est une forme de c'est assez amusant. Il y a le côté ludique pour l'enfant, on est d'accord, ça ressemble à des bonbons. Les fruits secs, les abricots, les ananas. Maintenant, c'est un nouveau produit qui débarque sur le marché, ça fait partie de notre trip de parler de ce genre de choses. Merci, Wouter van Dijk, de nous avoir fait découvrir ce produit, de nous en avoir parlé. Maintenant, comme dit Carlo, on reste aussi sur le fruit sec ou le fruit tout simplement, si vous voulez pas mettre 3 euros dans un paquet de quelques trucs, pourquoi pas, hein. Une pomme dans le cartable, ça coûte vachement moins cher, mais ça existe, on jette pas spécialement. Non, on est d'accord, c'est super, c'est correct. Franchement, il y a que le produit du fruit, donc c'est intéressant. C'est intéressant, si vous avez déjà goûté, dites-le nous. Parler de collation, en même temps c'est pas ça qu'on vous pose sur la page Facebook, puisqu'on parle de babysitting aujourd'hui. Dites, côté musique, pour aller gentiment jusqu'aux infos de midi, je vous propose un petit souvenir, ciné Stevie Wonder, ça vous branche ? 1976, avec I Wish. Donnez envie de rester avec nous dans l'heure suivante. Carlo, oui, va nous parler de sa courgette. Rien que ça, ça te donne envie de rester. Oui, parce qu'en plus, c'est une histoire de taille. Hein. Ah ben, dis donc. Je te la sers sur un plateau. Hein. Voilà. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Télé sur la Une. Pour la rentrée de lieux interdits, je vous emmène à bord d'un immense paquebot. Comment s'organise la vie de ce palace flottant ? À quoi doit-on le succès des centres de loisirs ? Et Dubaï l'extravagante parviendra-t-elle à devenir la première destination touristique au monde ? Julie Morel vous ouvre les portes des lieux interdits ce vendredi soir sur la Une. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil. Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Parce qu'aimer la nature, c'est d'abord aimer les hommes. Perry Daiza, partenaire naturel de Cap 48. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape de Perway comme si vous y aviez participé avec les initiations sportives de l'ADEPS, les produits du terroir mitonnés par Laurent Martin et des milliers de beaux héros pédalant dans la roue de Sarah de Padua sous le soleil du Brabant Wallon. Ce dimanche après-midi sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Le mercato de football est terminé. Ce lundi 5 septembre, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent en exclusivité le guide officiel de la Pro League. Un supplément de 48 pages pour tout savoir sur la saison de la Division 1. Noyau complet, calendrier des rencontres, dernier transfert, c'est ce lundi 5 septembre et c'est gratuit avec votre journal. Sud Presse, numéro 1 du sport. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Yasmina Favaro. Bonjour Yasmina. Bonjour à tous. L'ambiance est plus que morose ce matin dans le Pays Noir, à Charleroi, Caterpillar. À Gosselies, ferme ses portes, l'un des plus gros employeurs de la région. 2200 emplois à la trappe. Les travailleurs de l'usine d'engins de chantier ne s'y attendaient pas du tout. Maxime Paquet, vous êtes sur le site de Caterpillar et l'émotion est toujours très forte. Oui, bien sûr. Pour les travailleurs, c'est un véritable scénario catastrophe qui s'est déroulé sur leurs yeux ce matin. Le pire, sans doute, de ce qu'ils redoutaient, une fermeture totale du site de Gosselies. Vous le savez sans doute, la production devrait être délocalisée vers Grenoble, en France. On sent la colère et la surprise aussi. C'est vrai que la majorité était convaincue que ça n'arriverait pas. C'est perçu comme une véritable trahison ici, surtout après les efforts consentis depuis 2013 au sein de l'entreprise. On sent la colère et la surprise, je vous l'ai dit. On sent la tristesse aussi. Un des commentaires les plus récurrents, eh bien, c'est le suivant. C'est la fin d'une belle entreprise. Voilà ce que les travailleurs nous disent. Témoignage sans doute de la fierté du travail bien fait et consciencieux qui avait lieu ici jusqu'à aujourd'hui. Le produit de ce travail, les célèbres grues Caterpillar, entre autres, a été remballé. C'est sans doute l'image forte de ce matin. Grues et pelleteuses rentrées une à une dans les hangars de Caterpillar. Le parking où elles étaient entreposées est vide désormais. Le combat syndical et celui des travailleurs ne fait que commencer pour sauver ou essayer de sauver ce qui pourrait encore l'être. Merci Maxime Paquet, en direct donc du site de Caterpillar de Gosselies avec l'aide technique de Michel Servet. Donc Maxime vient de le dire, c'est le choc. Cette travailleuse que nous avons interviewée ce matin était là lors de l'annonce. Elle nous explique comment elle a vécu cette annonce. Tout le monde se taisait, en fait, on était tous les larmes aux yeux, tous, les hommes comme les femmes. Enfin, donc on s'y attendait vraiment pas, donc on était vraiment un peu choqués, fort émus, et puis voilà, après maintenant, là la colère, je sais que la colère va arriver, dans les prochains jours la colère va arriver, ici on est un petit peu abasourdi, mais c'est très très difficile à accepter, surtout une entreprise comme Caterpillar, où il y a énormément de sous-traitants, c'est pas uniquement 2200 personnes, c'est environ 5000 personnes, 5000 familles qui vont être impactées, et dans la région de Charleroi, il y avait vraiment plus que Caterpillar, qui était une grosse usine, donc... Ça va faire beaucoup, beaucoup de tort à beaucoup de familles et j'espère qu'on va arriver à de très bonnes négociations pour ne pas laisser ces familles mal, mais bon, on va faire notre maximum. Nous vous l'avons dit, cette usine va donc délocaliser sa production. Une partie ira à Grenoble, en France. Le reste, dans d'autres usines hors Europe. Une décision qui provoque un tollé, notamment côté politique. Pour Écolo, Écolo dénonce une logique de profit aveugle. C'est une catastrophe sociale inacceptable pour le CDH. C'est un choc pour le Carolo Olivier Chastel, président du MR. Il appelle d'ailleurs à un front uni. Olivier Chastel qui a participé ce matin au comité de développement stratégique de Charleroi Sud Hainaut. C'est un groupe qui regroupe les forces vives de la région, forces politiques, syndicales et patronales. Alors qu'en est-il ressorti? On écoute tout de suite Olivier Chastel. C'est véritablement un vendredi noir. Je pense qu'on est outré par la décision unilatérale, sans concertation, sans prémisse. Et alors que globalement en Belgique, dans le gouvernement fédéral, finalement que le gouvernement wallon s'emploie à des degrés divers à créer de l'emploi, c'est une douche froide pour toute une région. La perte de 2200 emplois directs, plus tous les indirects. C'est plus de 2000 familles qui sont concernées et donc À l'heure où Charleroi fête ses 350 ans, c'est évidemment une sombre nouvelle. On doit maintenant réagir, on doit pouvoir comprendre, on doit aussi se dire que on doit pouvoir tout mettre en œuvre pour conserver l'emploi et de l'emploi pour tous ces travailleurs qui sont concernés à Caterpillar aujourd'hui. C'est pour ça que l'on se réunit. C'est aussi pour ça que les responsables politiques du gouvernement fédéral et de la région Wallonne doivent pouvoir travailler ensemble sur cet aspect-là. Olivier Chastel, le président du MR, au micro de Baptiste Huppin. Autre réunion dans l'urgence suite à la fermeture de Caterpillar, c'est dans une demi-heure, ça se passe à l'Élysette à Namur. Et c'est Paul Magnette, le président de la région Wallonne et bourgmestre en titre de Charleroi, qui la convoque. Il se dit scandalisé et atterré par cette décision de Caterpillar. Et donc autour de la table, on va retrouver des ministres wallons, mais aussi le fédéral avec Charles Michel, le Premier ministre, et Chris Peeters, le ministre de l'économie, ainsi que des syndicats de Caterpillar. Objectif de la réunion, bien sûr, c'est examiner les possibilités de reclassement des travailleurs et l'avenir du site. Et donc je viens de vous parler du Premier ministre qui vient de réagir via communiqué. Il appelle à l'union sacrée avec le gouvernement wallon et les syndicats pour soutenir ces travailleurs frappés par l'annonce de la fermeture de l'usine. À l'étranger, l'ouragan Hermine a touché le nord-ouest de la Floride aux États-Unis. Des vents violents et des fortes précipitations ont provoqué des dizaines de milliers de coupures de courant et d'importantes inondations. Les habitants du littoral du Golfe du Mexique ont été sommés d'évacuer leurs maisons. La tempête continue à se renforcer et les eaux pourraient monter de plus de 3 mètres et demi. Et les Diables Rouges, eh bien, ils se sont entraînés ce matin à huis clos à Nerpède après leur défaite hier soir 0-2 face à l'Espagne pour un match amical. Aucune information n'a encore filtré de l'entraînement, mais de manière générale, les joueurs appellent à l'apaisement des supporters après leur mauvais match. Les internationaux belges comprennent le mécontentement du public, mais ils demandent du temps à leurs fans. Roberto Martinez, l'entraîneur, lui a déjà fait passer un message ce matin aux joueurs. Nous aurons plus d'informations dans le journal de 13h avec notamment l'interview de Thomas Meuny. Et on va tout de suite faire un point RTBF Mobile Info avec Caroline Gilet. Il y a un accident sur la Nationale 3, la chaussée est fermée. Exactement, dans le sens Aix-la-Chapelle-Louvain, l'accident s'est produit à hauteur de Fléron. Chaussée fermée dans les deux sens, une déviation locale a été mise en place. Des ralentissements causés par un chantier sur le 411 Namur-Arlon à hauteur de l'église. Les files remontent sur 9 km, le temps de parcours supplémentaire est d'environ une demi-heure en direction d'Arlon. Accident avec une chaussée fermée également sur le 403 tourné Bruges. L'accident implique plusieurs camions, c'est à hauteur d'Étampuis. Là, les files remontent sur 4 km en direction de Bruges. Des déviations sont mises en place, bien sûr. Et puis 35 minutes supplémentaires sur le 17 Gand-Lille au poste frontière. Il y a des files qui remontent sur 5 km. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons, c'est jusqu'à 13h sur Vivacité. Merci Yasmina. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Au programme de cette deuxième heure, ça fait maintenant presque 10 minutes que je vous ai lancé sur ce grand sujet. Ah oui. La courgette de Carlo. C'est maintenant ? Ouais, pas tout de suite, non. Ah mais non, et qu'est-ce qu'il y a de particulier, la courgette ? Bien, c'est important qu'elle soit petite. C'est vrai ? Oui. Ah, contrairement aux idées reçues. Contrairement aux idées reçues. Moi, je croyais qu'une bonne courgette devait être... Non, laisse tomber, ça devient... Rien la peau voir. Devient dure, ça devient mou à l'intérieur. Et c'est la saison. C'est maintenant qu'on les sort. C'est maintenant qu'on les sort. Voilà. Hop. Au programme... ça va déraper, cette histoire. Au programme de cette deuxième heure, il y aura aussi le titre top des infos, concon des infos, sociaux, des infos que le monde entier nous attend avec une impatience non dissimulée. On fera aussi le point sur les solutions qu'on a apportées durant cette semaine. Avec Annie, les petites tracasseries du quotidien, avec une entreprise, avec un call center ou un truc comme ça. Et puis, on n'oublie pas la question sur la page Facebook, elle concerne le babysitting. Est-ce que vous faites appel à une babysitter, justement, et où et comment vous la trouvez? Alors, vous pouvez nous envoyer un SMS au 3063, 50 centimes le message, ou toujours sur notre page Facebook, on n'est pas des pigeons. Une histoire de Toto aussi. C'est Toto qui va en Afrique. Puis je sais plus, c'est la bande son pour moi aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Vous aimez bien Kid Noise? Ben, il est chouette, hein. Je ne connais pas. C'est pour ça. Voilà, ça c'est le programme musical. Si vous passez à table, faites gaffe de ne pas en mettre partout. On vous souhaite un bon appétit. Si on n'est pas des pigeons, jusque 13h. Et là, on va s'écouter un peu de Miles Davis. ma peine au fond d'une fiole. Puisqu'on ne sera plus ensemble, si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. De mon spleen. Ma peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile. En fond Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul. Peu importe qu'on s'aime. Fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. Tu m'aimes au fond de cette spirale. Ce fan, les chrysanthèmes. Ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Sur Vivacité, j'écoute du Miles Davis. On n'est pas des pigeons. C'est la saison, c'est oui. Le moment, c'est l'instant. Parlons de cucurbitacées. Mais oui, parlons-en, car la courgette, c'est comme le melon, le potiron ou le pâtisson. C'est une cucurbitacée qui a comme caractéristique qu'on va la consommer avant maturité. N'essaye pas de manger un potiron qui n'est pas mûr, encore moins un melon qui n'est pas mûr. En revanche, si tu laisses pousser une courgette jusqu'au bout, on l'a dit tout à l'heure, ça devient une espèce de calebasse avec une peau très très dure. Et qui nous a appris à manger la courgette? Mais je ne sais pas. Eh bien, c'est les Italiens, mon vieux. Ils ont tout fait, ces gens-là. Ils ont appris à 10 millions de Belges à rouler leurs pâtes sur leurs fourchettes, quoi qu'il y en a encore beaucoup qui coupent. Et on a découvert, les Italiens, au XVIIIe siècle, ont montré au monde entier qu'il fallait manger ces courges-là jeunes. Et puis le XXe siècle est arrivé et la courgette en rondelle a été bouillie et mise à côté d'une escalope de poulet trop cuit. Et on s'étonne que les enfants pleurent. Mais alors comment on choisit une courgette? Eh bien on prend une courgette en saison, c'est maintenant une courgette locale. Évidemment on connaît la chanson, on vous rabâche les oreilles avec ça. Je fais le pont avec ce qu'on a fait avec notre ami Jean-Marie en télé mercredi. On peut aller faire du self-picking. On va dans le champ soi-même chercher... Voilà. Et sinon, on peut s'adresser à un maraîcher, que ce soit sur les marchés, aller dans les endroits où on peut acheter la ferme ou acheter des paniers bio, bio ou pas bio, mais des paniers de produits locaux. Et franchement, on tombera sur des courgettes qui sont bien meilleures parce que même quand vous allez en grande surface, c'est toujours la courgette moyenne à grosse. Et donc cette courgette coûte pas cher, mais franchement elle a pas un intérêt gustatif extraordinaire. Il y a plein de courgettes différentes. Les plus appétissantes, les plus courantes chez nous sont les courgettes plutôt vert foncé, grandes, mais on peut les avoir de petite taille. Il y a des courgettes striées qu'on trouve notamment en Italie, mais on le trouve parfois chez nous. Et alors, il y a la fameuse courgette ronde, dite de Nice, mais elle vient évidemment pas toujours de Nice. C'est la courgette à farcir par excellence. Une courgette, c'est plein de flotte, d'accord, mais c'est aussi plein de minéraux, plein d'oligo-éléments, du magnésium, excellent pour la fatigue en début de rentrée. Et la courgette, évidemment, comparée à ce qu'on vient de manger ici, là, les fruits concentrés, ouais. On concentre le sucre, on doit atteindre, à mon avis, les 300 calories au 100 grammes. La courgette, c'est 20 calories au 100 grammes avant que je m'en occupe. Oui, sinon ça fait 800 calories alors, à la fin du plat. Mais le problème, la courgette, vous avez dit, c'est plein de flotte. Bah justement, c'est ça le problème. J'ai l'impression que c'est un truc qui n'a pas de goût, moi, la courgette. Donc, on pend par les pieds tous ceux qui continuent à bouillir les courgettes, puisque déjà, il y a de l'eau, c'est pas la peine. Il faut sublimer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous invite à chercher des courgettes petites, de petite taille, et bonnes, et goûteuses, et bien fermes. Et vous pouvez les manger crues. Avec un couteau économe, ouais. Vous allez faire des lanières de courgettes, de l'huile d'olive, du citron, un petit peu de thym, ou quelques feuilles de basilic et une petite gousse d'ail écrasée. Ça va être juste délicieux. Et vous pouvez aussi, au lieu de couper la courgette, ces sempiternelles rondelles de courgettes là, qui vous regardent comme des yeux ou que vous avez envie de vous mettre sur les paupières pour aller mieux, eh bien, vous découpez la courgette en sifflets. Si elle est un peu grosse, vous la coupez d'abord en deux dans la longueur, puis en quatre. Et à ce moment-là, vous la mettez en triangle devant vous, désolé en radio, c'est pas facile, et vous enlevez les petits pépins, et là, ouais. vous la coupez en petites tranches. Je montrerai tout à l'heure en télé les différentes coupes de la courgette. Et je vous invite, par exemple, à faire des courgettes farcies. Moi, j'adore les petites courgettes farcies. Tu enlèves la chair, ouais. Tu la gardes, tu le mélanges avec de la mortadelle, avec du haché, avec du parmesan, ou avec d'autres fromages, de l'œuf, du persil, de l'ail. Tu remets dedans, tu mets de la chapelure au four 40 minutes. C'est absolument délicieux. Et sinon, tout à l'heure, je vous ferai déguster une tortilla, donc une omelette à l'espagnol, c'est-à-dire l'omelette que tu cuis dessus-dessous, oui. Et avec dedans des courgettes en lamelles juste poêlées, des patates fondantes parce qu'elles n'ont pas été frites mais bien cuites dans l'huile comme font les Espagnols ou les Grecs, et de tout ça on fait une omelette que l'on retourne et que l'on sert légèrement baveuse mais tiède, et c'est très très bon, et on goûtera aussi si on a le temps, des courgettes crues. Ouais. D'accord, ça donne envie, hein, franchement. Mais oui, alors, dernière petite recette. Moi, pour c'est la route. Les courgettes, ça finit toujours en soupe, moi, parce que j'ai mais pas c'est d'idée. C'est bon, mais de j'ai nouveau, pas d'idée. C'est comme j'ai pas d'idée, il y a 15 jours, faire, je vous ai parlé de soupe de chou-fleur à, ouais. À laquelle on pouvait donner du goût. Bah, c'est pareil avec la courgette, remettre un peu de bouillon, un peu de crème, de l'huile d'olive, du basilic, des herbes qui donnent du goût. Alors, des petites rondelles, si vous avez des toutes petites courgettes, faites des petites rondelles, vous faites poêler très très rapidement, vous mettez des feuilles de menthe, un tout petit peu de crème, et vous habillez des pâtes, des penne avec ça, ça va être très bon. Mais c'est qui nous a donné envie de manger, hein. C'est appétissant. Ça nous a donné faim. On voit ça avec les images ce soir à la télé à partir de 18h30. Je salive déjà, hein, Carlo. Et pourtant, tu n'es pas très fort aimant de légumes. Et en même temps, mais je dois m'y mettre. Mon docteur, il a dit qu'il fallait que je mange plus de légumes. Voilà, c'est le seul truc dont on peut être sûr. Manger plus de légumes que de viande et de poisson et de toutes sortes. Dans un instant, sur Vivacité, on va faire un petit peu le bilan des cas résolus avec Annie durant cette semaine. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du Beauvélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi, 350 ans, le week-end anniversaire des 2, 3 et 4 septembre. Accès exceptionnel à de nombreux sites historiques, dont l'hôtel de ville et son beffroi, les puits sous la place Charles II et la forteresse hollandaise. Réservé à la maison du tourisme au 071 86 14 14. Vivacité La Une présente, ces 10 et 11 septembre, les 28e journées du patrimoine. Vivez un voyage à travers les religions et les philosophies. Une expérience gratuite, ludique et didactique à vivre dans toute la Wallonie. Info, journeedupatrimoine.be ou téléchargez notre application. Une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. À Bruxelles, vous entendez parler de nombreuses langues. Hi. Guten Tag. Hola. Bonjour. Dans les situations les plus diverses. Hey. Oh yeah. Alors. Hey. Au Bruxelles Education Center, trouvez le cours de langue qui vous convient le mieux. Super. Super. Super. Super. Bruxelles Education Center, des langues sans frontières. Est-ce que vous êtes sûr ce soir? Ce dimanche, retrouvez tous vos artistes préférés en live. De 18h à 20h, Vivacité est en concert. Cet été, changez de véhicule tout en conservant votre budget vacances. Profitez de conditions Summer Days chez Citroën Bruxelles sur plus de 900 véhicules d'occasion et de direction disponibles immédiatement. Rendez-vous dès maintenant chez Citroën Isère, Evair et Drogenboss. Citroën. Encore un choix. Ce soir, sur Vivacité, découvrez Encore un soir, le tout nouvel album en français de Céline Dion. Jamais rien demandé. Céline Dion est enfin de retour. Écoutez-la ce soir dès 19h dans le tip-top de Vivacité et ramenez-la chez vous. Vivacité vous offre son nouvel album, Encore un soir. En 1983, c'était Africa avec Toto. Faisons le bilan des cas résolus avec Annie pendant la semaine. Lundi, Julien nous a expliqué qu'il avait commandé 2 moustiquaires en juillet. Et donc, suite à un retard de livraison, la société lui a proposé une 3e moustiquaire en guise de geste commercial, évidemment. Mais voilà, depuis octobre, pas de nouvelles jusqu'à ce qu'Annie intervienne. Elle a entendu les 3 moustiquaires, les 3 moustiquaires et elle s'est dit, j'agis. Voilà le résultat avec le responsable de la société. Ce qu'on propose éventuellement de faire, c'est de reprendre contact avec M. Dumont. Et cette fois-ci, donc effectivement, bien passer sur place. Julien, t'as avec nous en ligne. Hein. Julien, Attendez, Julien Dumont est avec nous. Oui, ok. Il y avait également une deuxième possibilité, c'est que soit on rembourse un montant de 50 euros, ça on en a discuté encore ce matin en comité direction, on va dire. Ou alors, voilà, on peut verser 50 euros sur son compte, il n'y a pas de souci. Et boum, affaire réglée. Mercredi, Michel nous a expliqué, lui, que son miroir chauffant, chauffait, c'est logique, mais il pelait, alors qu'il n'avait qu'un an. Le responsable de la société qui lui a vendu est venu sur place, mais depuis juin, aucune réaction. Alors Annie a pris les choses en main et surtout s'est arrangée pour faire un tour de magie. Oh miroir, mon beau miroir et tout. Là, vous pouvez dire à Michel que vous reprenez son dossier en main et que vous allez le solutionner. Je reprendrai le dossier et il n'y a pas de souci, je veux dire, à ce niveau-là. Il a déjà eu un premier souci avec un miroir, il a été remplacé. Voilà, donc ici, vous prenez le dossier en charge et on comprend effectivement qu'il y a eu un contretemps pour des raisons médicales. Et puis vous vous souvenez de Nathalie ? Non ? Ben je vous rappelle que Nathalie était passée à l'antenne, on a revu sur son cas vendredi dernier, son nouveau matelas s'affaissait, elle avait acheté au roi du matelas en province du Luxembourg. Oui, évidemment, donc Nathalie, le magasin lui promettait le changement du matelas, mais la direction ne voulait plus rien entendre parce que le matelas avait une auréole. Lors de l'émission du 25 août, donc jeudi dernier, le responsable pour la province a promis de passer chez Nathalie pour constater la présence ou non de cette fameuse auréole. Il est passé, il a vu, et ben Nathalie n'a pas trompé son monde, le matelas est en bon état. Elle va obtenir un nouveau matelas qu'elle doit aller chercher avant le 7 septembre à Bastogne. Elle a reçu un email lui confirmant la bonne nouvelle. Si vous avez des soucis avec un service clientèle, avec une entreprise, un entrepreneur quelconque, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pigeon au pluriel @rtbf.be. On traitera peut-être votre cas et on essayera en tout cas de vous aider. Les photos, les cadres sont pourtant bien là, vestiges de gloire, douloureuse joie. Vidé de l'histoire, il était une fois un île, une aile, et l'aile s'envola. Je vais funambule sur un fil de verre, toutes mes pendules tournent à l'envers. Faudrait en rire, c'est tellement banal, mais la tragédie a de balles. Je sais, il y a bien pire, je sais, l'hôpital, mais puis-je au moins dire que ça fait mal? Christophe Willem sur Vivacité avec le titre Après toi, un titre écrit par Jean-Jacques Goldman. Petit détour par la rédaction pour les titres de l'info, c'est ce qui arrive dans deux minutes. Vous ne rêvez pas. Vassieux Godot offre 21% de remise sur la literie, les box springs, les matelas et les sommiers à lattes. Vous préférez encore dormir dessus? Profitez de cette action de rêve du 1er au 30 septembre. Vassieux Godot, Alzenberg, E19, sortie 20. Ouvert également le dimanche. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Moi, j'aime cuisiner avec des produits de qualité. Ah, la qualité, ça se goûte toujours. Anne chez Marc. Non, c'est sûr, petit. Hein. Tu as goûté notre filet pur de porc. Il est tendre, juteux. En un mot, délicieux. Et son prix, il est petit, léger. En un mot, riquiqui. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre délicieux filet pur de porc est à seulement 9,69€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Les Woofies reviennent chez JouDiscount. Ces chaussures de qualité pour les enfants, approuvées par les podologues. Achetez-les et recevez un pot de jeu de pluie gratuit. Ça, c'est bon à savoir. Cette semaine, dans le Vif Weekend Mode, c'est belge. Toute l'actu de la rentrée mode et l'hiver des créateurs belges. Votez pour votre créateur préféré du Weekend Fashion Award sur levifweekend.be et gagnez deux places VIP. Le Vif l'Express, pour ne rien vous cacher. Vivacité vous invite à l'avant-première de Ben Hur avec Morgan Freeman. Ma famille a été trahie par mon propre frère. Pour y assister le 6 septembre à Bruxelles et Liège, téléphonez au 0905 56 472 50 cents par appel. Si ton frère fait la fierté de Rome, en le battant, tu vaincras un empire. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez bon, 1 million. 2 millions alors ? Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. La solidarité nous fait tous avancer. CBC, décidez d'avancer. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ce n'est pas grave, la petite minute de la blague idiote. Comment est-ce qu'on appelle un lapin sourd ? Lapin ! Ah oui, il est sourd. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 2 250 000 euros à gagner. Bon, ça ne vaut pas mes blagues idiotes, hein, mais enfin, c'est quand même une belle somme. Hein. Merci, loto. Il est midi 30. Les titres du journal avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Vous vous en doutez, à 13h nous serons à Charleroi pour une édition spéciale. Charleroi vit un vendredi noir. Caterpillar, le plus gros employeur de la région, vient d'annoncer la fermeture de son usine de Gosselies. 2200 emplois sont concernés. Fermeture annoncée pour mars. C'est un séisme social. La décision a été annoncée en conseil d'entreprise à 8h30. Les travailleurs l'ont bien évidemment très mal pris. C'est une vraie claque après la grosse restructuration déjà vécue en 2013. Il y a eu un peu d'échauffement sur place, mais finalement, l'ambiance est calme actuellement. À Gosselies, les travailleurs ont quitté l'entreprise. La direction, elle, tente de justifier sa décision. Il faut une politique de réduction des coûts. 10 000 travailleurs sont concernés dans le monde. Dans la rue, c'est bien sûr l'incompréhension et les politiques, eux aussi, sont révoltés. Le Premier ministre annonce une union sacrée du gouvernement wallon et du gouvernement fédéral face à cette catastrophe sociale. Le ministre président wallon, Paul Magnette, réunit d'ailleurs en ce moment des ministres régionaux, fédéraux et des syndicats à Namur. Une réunion de crise, on s'en doute, nous y serons aussi à 13h. Et puis dans le reste de l'actu, on parlera encore de cet ouragan en Floride et de ce nouvel entraînement des Diables après le triste match d'hier, 0-2 contre l'Espagne. Rendez-vous pour tout cela à 13h, Sébastien. Le rendez-vous est pris, à tout à l'heure Manu. Vivacité, on n'est pas des pigeons. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. Avec J'ai cherché. Deep Top. Le moment que tout le monde attend avec impatience. Le vendredi, vers la fin de l'émission, c'est le tip top des infos concon, des infos sociaux. Toutes ces infos qui traînent un petit peu sur Internet, qui ont un rapport de près ou de loin avec la consommation, et qu'on classe. On les mélange et on classe dans un tip top. 5 infos, ça vous intéresse de les découvrir? Ah oui, on est vachement on attend que ça. Il y a du lourd, hein. Il y a du très con, hein. Mais il y a du bon. Numéro 5. En numéro 5, je vous emmène en boîte de nuit. Qui va souvent en boîte de nuit? Oh, il y a bien longtemps. Il y a une boîte de nuit. Il y a une boîte de nuit en Allemagne, à Berlin, un club là-bas où il y a beaucoup de concerts. Il fait chaud dehors. Il y a un concert, il y a un DJ, la musique boum boum à fond, et puis il y a une panne d'air conditionné. Dans ces cas-là, on boit beaucoup, donc on consomme. Mais ça ne suffit pas pour réguler la chaleur ambiante. Et au final, tout le monde se retrouve quasi à poil. Ah oui. En dansant sur... voilà, c'est pas complètement, mais tout le monde torse nu, garçon, fille. Et ben, voilà, l'info s'arrête là. Ah. Vous voulez l'adresse du réparateur d'air conditionné pour qu'il ne fasse pas son travail? C'est fait exprès, ils ont mis le système d'airco en panne. Pour qu'on puisse aller à Berlin cette semaine. Voilà, voilà. Donc, on rêve tous que l'air conditionné tombe en panneau bureau, peut-être, pour travailler tout nu. C'est pas forcément joli à voir. Oui, voilà. Ouais, ça dépend qui est là. Attends, je ferme les yeux. Carlo n'est plus là. Voilà, donc. Ok, on peut y aller. Et Carlo, il est en train de se dire la même chose de moi, évidemment. On passe à la suivante info. Numéro 4. Alors là, c'est un petit peu particulier. On part en vacances. En Allemagne, il y a des très, très, très jolis coins. Il y a une île dans le nord de l'Allemagne. Une île qui s'appelle... Attendez, je retrouve le nom. C'est une station balnéaire. L'île de... je ne sais plus quoi. Mais c'est pas grave. Là-bas, il y a un promoteur qui a réhabilité un important bâtiment, vestige architectural des nazis, pour en faire un complexe hôtelier. C'est particulier, hein, il y a 207 appartements de luxe. Le concept, il était construit, le bâtiment là-bas, en 1936. Il a abrité 2000 vacanciers dans le cadre du programme La Force par la Joie du parti nazi. C'est donc un haut lieu d'endoctrinement à l'époque, qui aujourd'hui a été complètement rénové pour en faire des appartements de luxe. Le cadre est magnifique, tout ça... Mais est-ce que vous iriez en vacances là-bas? Non, jamais de la vie. C'est particulier. Oui, c'est assez particulier. Mais on se demande pourquoi ils ont laissé pourrir ce bâtiment des années, pour autant le raser. On aurait pu le raser, oui. Oui, ouais. C'est sûr. C'était un petit peu... Voilà, mais il y a des choses comme ça qui se passent dans le monde du tourisme, en l'occurrence ici, qui sont effectivement un petit peu particuliers. Numéro 3. Bon, numéro 3, c'est cette folie Pokémon Go dont on parle absolument partout. On l'a évoqué cette semaine dans la presse. Les pelouses du parc royal à Bruxelles sont saccagées parce que les gens vont chercher des Pokémon là-bas. Et alors, ça a carrément pris des proportions complètement débiles avec le ministre de la Mobilité qui a carrément demandé aux concepteurs de l'application et du jeu de retirer tous les Pokémon qu'on peut attraper dans les aéroports. Parce qu'il y a des gens qui se sont introduits dans des lieux où vous n'avez pas accès pour chercher le Pokémon rare. Pourtant, j'ai entendu aussi que l'engouement semblait être en diminution. Ah oui, j'ai entendu ça. C'est bien. C'est bien, ça évitera des accidents parce que c'est quand même ça derrière. Hein. Tu vois quelqu'un qui traverse une masse de jeunes qui traversent une route pour chercher un truc. Les gens deviennent fous avec ça. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Bon, il nous en reste deux. On y va ? C'est parti. Numéro 2. J'hésite. Un peu de suspense. Voyage ou bière ? Bière ! En deux. Ah non, tu veux qu'elle gagne la bière ? La bière va gagner. Donc en numéro 2, je vais mettre un comparateur de vol qui a suggéré. Donc facile quand tu cherches un bon plan, un vol pas trop cher pour relier une destination en avion. Il y a des comparateurs qui te trouvent le meilleur prix. Alors le meilleur prix, des fois, nécessite des escales plus ou moins longues ou plus ou moins d'escales. Ici, c'est un monsieur qui est allé sur le comparateur Skyscanner. Ah oui. Il voulait relier Christchurch en Nouvelle-Zélande à Londres. Et le comparateur lui a proposé un prix intéressant avec une escale à Bangkok. Une escale de 413 heures. Non, 413 786 heures et 25 minutes. Soit une escale de 47 ans. Mais il n'est pas pressé. Et t'imagines, mais le billet n'était pas cher. Une escale de 47 ans. Donc, ok, les comparateurs, c'est bien, mais il faut quand même s'en méfier. Allez, la numéro 1, tu veux de la bière, t'auras de la bière. Numéro 1. Tu sais servir une bière correctement ? Évidemment, c'est pas facile. Bière à la pompe, c'est pas facile. Non, c'est la mousse. Il y a toujours les verres de mousse. Alors, il faut pencher le verre à 45 degrés pour être précis. Eh bien, pour éviter trop de mousse, le col un peu trop important, il y a des petits malins qui ont eu une idée assez étonnante. Ça se passe en Argentine. Il faut aller dans les montagnes en Argentine pour aller servir une bière facile. En fait, tu poses la bière comme ça sur le bar, tu ouvres la pompe et il n'y a pas de mousse parce qu'elle sera naturellement inclinée à 45 degrés. C'est-à-dire qu'ils ont construit le bar sur une pente à 45 degrés. Tout le bâtiment est penché. Pour servir la bière, c'est génial. Pour jouer aux fléchettes, c'est un petit peu plus compliqué. Pour s'asseoir et ne pas dégringoler, c'est un petit peu plus compliqué. Et passer aux toilettes après, quand on a bu la bière. Pour les toilettes, c'est un peu compliqué. Mais au moins, ils ont réglé le problème existentiel. Il n'y a pas trop de mousse dans le verre. Le reste, on s'en fout. C'est un détail. C'est en Argentine qu'il faut aller pour voir ce bar. Ça doit pas être super confortable. Bon, on vous le montrera ce bar ce soir à la télé à partir de 18h45, si vous voulez. Dans un instant, on prend la direction de la page Facebook pour voir si vous avez réagi par rapport à la question du jour qu'on vous posait. On parle de babysitting, de bons plans, d'astuces pour faire un truc pas cher et sympa. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ah bah oui, ce sont les journées colossales chez Colishop. Avec des réductions gigantesques sur le linge de lit, les jouets et une foule d'autres articles. Jusqu'au 11 septembre sur colishop.be. Ce pays est en sursis permanent. Mais entre deuil et engouement sportif, il n'a jamais été autant tapissé de noir, jaune et rouge que cette année. Que signifie donc être belge aujourd'hui ? Le Vifle Express a enquêté derrière les drapeaux. Le Vifle Express, pour ne rien vous cacher. Vivacité et la ville de Charleroi présentent le cortège des 350 ans de Charleroi. Le samedi 3 septembre, géants, sidérurgistes, mineurs, verriers retraceront les grandes étapes de l'histoire de Charleroi. De 17 à 19h de la place Charles II au quai de Sambre. Présence exceptionnelle de l'Homme Gang. Groupes musicaux et chorales sur tout le parcours. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ce n'est pas grave, la petite minute de la blague idiote. Comment est-ce qu'on appelle un lapin sourd ? Lapin ! Ben oui, il est sourd. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 2 250 000 euros à gagner. Bon, ça ne vaut pas mes blagues idiotes, mais enfin, c'est quand même une belle somme. Merci, loto. C'est la rentrée. rentrée et votre Westland Shopping va vous aider. Ce samedi 3 septembre, de 14h à 18h, déposez-nous vos cahiers et nous les recouvrons dans l'heure. Participez aussi à nos ateliers coiffure chrono, lunch rapide et équilibré, comment choisir son stylo ou entretenir ses lunettes. Une rentrée zéro stress, c'est au Westland Shopping. Rendez-vous ce samedi 3 septembre de 14h à 18h et n'oubliez pas leurs cahiers. Westland Shopping, mon shopping, si proche. Ring West, sortie 14, parking facile. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Je suis Steve Hobbs, enseignant en informatique au CPG Dogne. Savez-vous que mes élèves, ceux de l'IPET Nivelles et l'IPES Wavre, travaillent chacun avec du matériel de pointe? L'option informatique ouvre les portes de l'enseignement supérieur ou met en pratique vos compétences au service d'une entreprise. L'enseignement organisé par le Brabant Wallon forme au métier d'avenir. Plus d'infos sur brabantwallon.be. Jolie, I couldn't say a word, just Coco, Choco, Chanel, Coco, Chanel, Chocolat. In my heart, in my veins, I just couldn't take him out of my brain. Just a glance, I'm trained. This French fella was cute as hell. He came and Moja sur Vivacité avec ce titre French. Quand vous posez une question sur la page Facebook avec... on vous parlait de babysitting parce qu'un site nous avait interpellé, Youpies, où vous pouvez vous inscrire pour offrir vos services de babysit ou trouver simplement une babysit. Le souci, c'est que tout le monde peut s'inscrire en gros là-dessus. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, il n'y a pas vraiment de contrôle. Il n'y a pas vraiment de vérification. On n'est pas forcément sûr de qui on a affaire. On vous demandait aussi si vous aviez des bons plans C'est pas la folie sur Facebook, hein, soyons pour très le clairs. Coup, non, on a quelques likes, mais aucune réaction. Donc, mais maintenant, dans les réactions, il y a plein de gens, je suis sûr que c'est la timidité qui font qu'ils n'osent pas nous écrire. Mais dans les cours, hein, non, mais dans les bons plans, c'est toujours un ami qui a un enfant de 17-18 ans qui peut venir faire du babysit, ou le voisin. Le fils du voisin, ça c'est le ça bon plan. Toujours. Ça c'est le plan le plus sûr, parce qu'on connaît les gens. Sinon, on a eu aussi la Ligue des Familles qui nous parlait de son site et de son service. Ah oui. C'est aussi un plan assez sûr. Alors, il y a une formation pour les babysitters, donc les babysitters qui sont là suivent des formations. Il y a aussi même des formations qui peuvent être suivies pour garder des enfants handicapés, donc ils ont mis ça au point aussi. Mm-hmm. Donc là, il y a une espèce de certitude d'avoir affaire à quelqu'un de compétent. Au niveau tarif aussi, c'est quand même, ça reste assez raisonnable. Donc c'est 6 euros de l'heure, ça peut monter jusqu'à 7,50 euros, mais donc c'est pas au-delà, donc c'est pas exagéré. Donc il y a quand même certaines garanties. La seule chose, c'est qu'il faut être membre de la Ligue des Familles pour avoir accès à ce service. Mais ça coûte pas grand-chose d'être membre de la Ligue des Familles. Donc, par mois. En gros, c'est le bon plan dont on n'est pas des pigeons, quelque part. Si vous n'avez pas de connaissances dans votre entourage, et ça peut arriver, on n'a pas de neveux, nièces ou de voisins qui ont l'âge de faire du babysitting, la Ligue des Familles, là, il y a un vrai truc. Si on connaît personne, là, il y a un vrai encadrement, un réel encadrement derrière, à des tarifs qui sont, ma foi, assez raisonnables. Mais n'hésitez pas, lâchez-vous sur la page Facebook. Là-dessus, on pourra y revenir la semaine prochaine. Vous avez évidemment le week-end pour ça. Moi, je vous propose, tout en étant sur la page Facebook, de vous lâcher sur autre chose. Un coup de cœur. Le coup de gueule, ça c'est fait, c'est du lundi au jeudi, mais on termine la semaine en beauté chaque fois avec un coup de cœur. C'est sur la page Facebook, on vous lit dans quelques minutes. Télé sur la Une. Pour la rentrée de lieux interdits, je vous emmène à bord d'un immense paquebot. Comment s'organise la vie de ce palace flottant? À quoi doit-on le succès des centres de loisirs? Et Dubaï l'extravagante parviendra-t-elle à devenir la première destination touristique au monde? Julie Morel vous ouvre les portes des lieux interdits ce vendredi soir sur la Une. Bah ouais, le rythme de la course était fort, il y a eu cette échappée là, mais bon alors après on a réagi, hein, hop, toute l'équipe, et voilà, on est en tête maintenant, c'est bien. Le changement, ça donne de l'énergie. Alors gaz ou électricité, changez aussi pour Poéo, et profitez de la promo de bienvenue. Poéo, énergie positive. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras, avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 6 septembre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Hésitez moins, vivez plus. Découvrez le monde grâce aux incroyables tarifs Book & Pay de Connections. Débutez votre aventure dans l'un de nos travel shops ou sur connections.be. Connections. Go. Explore. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore Essoliver. Info sur poincaré.eu. Vivacité et la 2 présente Michel Polnareff en concert. Tous les grands classiques de son répertoire exceptionnel. Vendredi 18 novembre à Forêt Nationale. Réservation 0900 84 900, 50 centimes la minute et sur next-step.be. Dis papa, c'est quoi un droit de veto? Ah, imagine. Si tu demandes à un vétérinaire de faire du bouche à bouche à notre bulldog, il peut dire ah non, ça je le fais pas. C'est le droit de veto. Enfin, je veux dire du veto. Voilà, tu comprends? Comprendre l'actu, c'est plus simple avec le JDE. Le JDE, le seul journal d'actualité pour les 9-13 ans. Maintenant avec version numérique offerte. Conditions spéciales sur le JDE.be. Part of ocean, I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. My score was amazing last night. I never closed a door. Behind me, something more. One day I stop it all, it's true. And always. do it just for you. I swim a part of ocean. I fly the part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me. Kid Noise sur Vivacité avec Ocean. On parlait de liseuse électronique tout à l'heure, c'est la rentrée littéraire. On fera le point là-dessus ce soir à la télé sur les liseuses, que c'est pratique, quels sont les avantages, les inconvénients. Eh bien, figurez-vous qu'on a un coup de cœur, tiens, à propos des liseuses. Ce sera dans un instant. En télé sur la une. Je m'appelais Emma Fortuny. J'avais 20 ans lorsque toute ma famille a été tuée. Moi-même, je suis officiellement morte. Mais je suis revenue 10 ans après, pour me battre. Elle se met au service de ceux qu'elle traque. Votre nouvelle série, La Vengeance aux yeux clairs, ce dimanche soir sur la Une. On n'est pas des pigeons. Et on termine sur la page Facebook avec le coup de cœur du jour. Je vous le disais, ça concerne les liseuses. Le coup de cœur de Geneviève, elle nous donne son coup de cœur qui concerne les chasseurs de livres. Est-ce que vous connaissez ? Non. Personne ? Non. Les gens qui courent après des livres ? Oui, c'est les chasseurs de Pokémon, mais avec des livres. C'est le même principe. D'accord. Et donc, ça vient d'une directrice d'école donc, qui a créé ça, c'est Aveline Grégoire. Et donc, le concept, il est simple. Le joueur choisit un livre qu'il souhaite partager. Il le dépose dans un lieu public avec un mot d'accompagnement. Il le prend en photo et donc il le poste sur le groupe Facebook qui s'appelle évidemment Les Chasseurs de Livres. Et dans sa publication Facebook, il indique l'endroit où il a laissé son livre. Et donc, c'est à ce moment-là que les chasseurs vont chercher le livre s'ils sont intéressés. Et donc, Geneviève, elle a adore le concept, ouais. Elle adore la lecture et c'est vrai que c'est l'occasion de découvrir toutes sortes bah ça, c'est intelligent, de au moins, littérature. Comme chasse. Partage de livres. Oui, mais ça c'est intelligent. Un peu plus intelligent, on est d'accord. Si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas, vous avez le week-end, c'est sur la page Facebook que ça se passe ou alors via le mail, hein, pigeon@rtbf.be. Le numéro de téléphone ? Mais encore sur le répondeur au 070 222 660. La vie du bon côté, c'est ce qui arrive. Ouais. On va aller préparer la télé, on vous retrouvera ce soir à partir de 18h30. Mais la vie du bon côté, on va s'intéresser au rituel, Sylvie. On lâche prise. Et moi, je chasse les livres. Vous aussi. Chassez les livres ? Oui, je chasse les livres. C'est vrai ? Je trouve cette initiative extrêmement intéressante. C'est mieux que les Pokémon, hein ? C'est super ! Ça abrutit moins. C'est super parce qu'en plus, les enfants peuvent se prendre au jeu, vous voyez ? Donc c'est ça qui est génial. Et vous aussi, Geneviève Fauré, vous chassez les livres. Tout à fait. Oui, oui, j'en dépose, j'en chasse. Je trouve ça vraiment génial. Chasseuse de livres, c'est génial. À mon avis, c'est un truc qui prend seulement de l'ampleur. Vous allez voir, on va casser la baraque avec les chasseurs de livres. Bon, en effet, on lâche prise aujourd'hui. On lâche prise un peu sur les Pokémon, mais tant que ça amuse et tant que c'est fait dans un rituel sympathique, les Pokémon, c'est bien aussi. Hein. En effet, on va lâcher prise en cette rentrée et on va aller plus loin ce vendredi. Comment instaurer des rites pour faciliter le lâcher prise ? Vous savez à quoi je pense, Geneviève Fauré ? D'abord, je dis que vous êtes coach de vie et conseillère conjugale. Je pense, quand on parle d'instaurer des rites pour lâcher prise, je pense à ces petites figurines avant et on plantait des aiguilles, vous voyez. Ah ça, oui, carrément, ça, le vaudou. Le vaudou. Quand on en veut à quelqu'un, on dit plutôt que de piquer ma colère, je vais dire et pourquoi pas dans ses yeux. C'est pas bien, mais oui. Ça, c'est un rite. Quelque oui. part, c'est un, ri, oui. un rite. Et c'est directement, vous visez les yeux. Je vois que vous en voulez vraiment beaucoup. Mais oui, c'est un rituel. Mais c'est pas bien. Mais c'est pas bien, mais c'est un rituel. Mais on va vous parler de rituels peut-être pour lâcher prise. Vous savez, il y a des personnes, par exemple, qui écrivent des choses, qui brûlent le papier et qui le mettent dans une poubelle. Ou des personnes qui ont des choses, même avec des personnes décédées aussi, qui écrivent, qui le mettent en dessous d'un caillou. Eh bien, ça aussi, c'est un rituel. Donc, on va chasser les rituels. Chassons les rituels. Chassons les rituels. Quels sont vos rituels pour lâcher prise? Quels sont ces rituels? À Geneviève Forêt qui viendra nous en parler. Et puis, surtout, on va commencer l'émission en disant, mais c'est quoi lâcher prise? On nous baratine avec lâcher prise. Ça veut dire quoi exactement? Venez parler avec nous. 070 23 33 23 SMS 30 63. Juste après une édition spéciale, bien sûr. Et ça se comprend à 13h. Et juste après aussi le point météo de Denis que voici. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Denis Collard, bonne journée à tous. Des nuages d'altitude qui rendent le ciel laiteux, c'est plutôt sur l'ouest et le centre du pays. Des éclaircies encore assez larges sur le sud et l'est, voilà un peu le topo de la journée. Ça pourrait évoluer avec un ciel qui se dégage un petit peu plus en fin de période. On ira de 19 degrés au littoral, de 22 à très localement 25 degrés sur le sud-est, moyenne de 23 degrés dans le centre. Demain, peu de changements, un temps calme avec quand même des nuages un petit peu plus présent, 20 à 22 degrés sur les hauteurs, 23 dans le centre, 26 en campagne. Par contre, dimanche, arrivée de la pluie avec un vent soutenu. Bonne pluie le matin et puis averse et éclaircie l'après-midi. Maxima de 17 à 22 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 13h. Et voici les titres du journal de 13h. Le choc. Cat quitte Charleroi en mars prochain. L'entreprise américaine Caterpillar, installée depuis 50 ans à Gosselies, ferme ses portes en mars. 2200 personnes travaillaient encore à Gosselies. De nombreux sous-traitants dépendent aussi de Caterpillar. C'est un véritable séisme social. Pourquoi cette décision? Politique de réduction des coûts, dit la direction.